Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Du 9 au 11 août 2019 aura lieu la 18e classique de volleyball de plage Family Prix Jeannie Larouche à la Chutelourde de Normandin. Des joueurs de partout au Québec participeront à cet événement haut en couleur. J'invite les gens à venir en grand nombre au site touristique de la Chutelourde afin de voir du haut calibre de volleyball de plage. Félicitations à toute l'équipe d'organisateurs pour cet événement. Okay. Et je souhaite une bonne On va parler de la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix. C'est la 18e édition déjà en fin de semaine au camping Chutelourde de Normandin. C'est un événement qui gagne de plus en plus en popularité. Cette année, on a un bon record de tous les temps. On en parle avec le président Danny Bouchard. Salut, Danny. Salut. Danny, depuis la 18e édition? Est-ce que c'était là depuis la toute première édition? Non. Je suis là, c'est ma 13e année cette année. OK. 13 ou 14. OK. Est-ce que ça a changé beaucoup au fil des années? Sûrement, hein? Oh oui. Oui, oh. Les premières années, c'était un tournoi style familial, on va dire. OK. C'était plus un tournoi en chum. Là. OK. Et, au fil des années, ça a pris de la popularité, puis de la popularité, puis la qualité d'événements qu'on offre, le fait qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui adorent venir à la classique de volleyball, ils trouvent ça magnifique. Ils trouvent que c'est le plus beau tournoi dans l'été. OK. Et aussi, si tu me corriges, je me trompe, mais le volleyball de plage gagne en popularité aussi avec tout ça aussi. Là. Oui, oui, oui, oui. Fait que, puis là, cette année, 88 équipes, c'est un record absolu. Oui, oui. On pensait pas de se rendre là, mais cette année, ça fait beaucoup de matchs, on va dire, dans la fin de semaine. Ça fait beaucoup de matchs. On est vraiment rendu à la limite, là, hein? Tu peux pas en faire plus que ça, hein? Oui, on pourrait en mettre plus, mais il faudrait rajouter des terrains. OK. Comme là, on a 8 terrains, il faudrait monter peut-être à 10 terrains. À ce moment-là, on pourrait se rendre peut-être à 100 équipes. Hein. OK, 100 équipes, OK. Est-ce que c'est une possibilité? Ben, disons qu'on l'a pas regardé encore, parce que, tu sais, niveau aménager des terrains de volleyball, ça prend quand même de l'emplacement sur un terrain de camping. Là, il faut que le camping municipal, donc il faut que la municipalité soit d'accord à ce qu'on prenne du terrain pour aménager deux autres terrains. Puis en fin de compte, ça sert une fin de semaine par année. Là. OK. C'est ça un petit peu le dilemme, là, si on veut dire. Et c'est ça aussi, là. Puis c'est, écoute, mais hier, avant de te parler en dehors des ondes, je te demandais, est-ce que il y a beaucoup d'équipes du Lac-Saint-Jean qui sont là? Du Lac-Saint-Jean, on a peut-être... l'année dernière, on avait fait, on avait sorti les statistiques là, des régions, des équipes, et genre que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on avait, l'année dernière, on avait 74 équipes, je crois. Okay. Sur 74, il y en avait 21 du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis tout le reste, c'était toute la région de l'Outaouais, Montréal, Québec. On avait même de la Côte-Nord. On avait un peu partout. OK, OK. Et pour monter un nombre d'équipes, est-ce que ce serait possible de faire comme les tournois de hockey, faire jouer les équipes du lac un petit peu plus vers la semaine? Ben, c'est peut-être pas là qu'on veut en venir, parce que, tu sais, le fait, disons, de faire jouer des équipes la semaine, où tu n'as pas vraiment de monde, que tu n'as pas vraiment l'ambiance de t'sais, parce que, genre, comme les zones, la zone de volleyball en bas, on a un DJ toute la journée, de l'animation. C'est tout le côté, ce que les joueurs aiment, c'est ce côté-là. C'est le côté festif du tournoi. C'est sûr que de ce côté-là, 88 équipes, tu perdrais des équipes du Lac-Saint-Jean. Puis ça, évidemment, pour avoir fait plusieurs entrevues, c'est l'hospitalité des gens qui fait que ça a gagné en popularité, hein? Oui. C'est vraiment, on a une gang qui vient de la région de Joliette. Okay. L'autre, ils sont venus une première année, là, 2 ans. Commune de Montréal, je pense, hein? Oui, oui. Puis, eux autres, là, je pense, sont rendus proche d'une vingtaine d'équipes. OK. Bien, de ce c'est... coin-là. Juste de Joliette? Oui, ben, de la région de ce coin-là, là. Joliette, les abords de Montréal. On a 20-25 équipes, là, de ce coin-là, là. Ah oui, monsieur, ça commence à faire pas mal d'équipes, ça. Fait que... Oh oui, c'est... Donc, ça commence vendredi, c'est ça? Oui. Oui. OK, donc vendredi... soir, il y a quelques matchs vendredi soir. Après ça, on a comme un 5 à 7 d'ouverture. Oui, oui. Des petites bouchées, puis du fla-fla. Puis ensuite, on a un spectacle aussi, j'imagine, aussi. Vendredi soir, on a un spectacle, le groupe Backbone. OK. Puis le samedi soir, on a le spectacle de Rock On. OK. Rock On qui est un groupe, j'imagine. Un groupe, moi, ben, ils ont fait, je crois qu'ils sont allés cette année au Festival du camionneur à la Dorée. Ah, OK. Puis, donc, le prix d'entrée, le prix d'entrée, t'as à combien pour tout ça, là? C'est, ben, 10 $ par jour. OK. Mais ça se peut que, comme là, pour cette année, là, on veut peut-être essayer là, que le dimanche pour les finales, ça va être gratuit. Ah, OK. Pour voir un petit peu voir le monde aussi. Comment c'est... Puis les bourses sont les bourses sont intéressantes aussi? Oui, ben les bourses, on a, c'est 4 500. OK. Puis ça doit aider aussi, là, parce que dans les bourses que tu. Dans les tournois de volleyball de plage, es-tu dans les. Lui de Family Prix, Jeanne Larouche, est-ce que c'est quand même un des tournois qui paye le plus? Oui, ben selon les joueurs, là, que, ils nous disent qu'on est, on a des bons commentaires là, sur les bourses, le montant des bourses. OK. Ben, Danny, on s'en reparle lundi pour faire le bilan de tout ça dans le bulletin sport local. Yes, sir. OK, donc le président de la classique Family Prix Jeanne Larouche, Danny Bouchard.